va avoir s'ils ont une assez grande gueule. Je me retrouve, rabat à mon bel. Les potos me chauffent direct à la jonquelle. On fait du bruit comme on peut. J'ai cassé violent comme le chiffre à ton père. La musique, je suis dans ton cœur. Mais juste avant, je suis passé par ton cul. MC, il ne veut pas les chanteurs. Parce que depuis que je suis là, on t'entend plus. On t'entend plus. 3, 5, 7, t'es plaqué sous mon pull. Ton rap est plus, ouais, ton rap est nul. Le mien est lourd comparé à une enclume. Wesh ma gueule, ça y est, on veut des billets. Tu veux t'évader, mais de la peur d'un arquilé. T'aimais pas devant, on risque de te quiller. On veut tout niquer, alors qu'il est chez nous. Pas de comique à la Fatzaoui. Tu t'es mini contre Fatzaoui. T'es un client, vas-y passe là, oui. J'ai le bouquin, vas-y passe là, oui. T'as les nerfs, vas-y frappe dans le sac. Vas-y frappe dans le sac. T'es à poutrière, vas-y tire dans le tas. Vas-y tire dans le tas. Si t'as les nerfs, vas-y frappe dans le sac. Vas-y frappe dans le sac. T'es à poutrière, vas-y tire dans le tas. Vas-y tire dans le tas. J'ai le cœur tendre, mais la pile dure. Des langues qui se pendent, on a l'habitude. J'ai le cœur tendre, mais la pile dure. Des langues qui se pendent, on a l'habitude. Des millions, moi j'en veux 22. J'veux mon âge, j'en ai 22. Et les chemises, v'là les 22. Pour les jointies, ouais, j'suis le 22. Pauvre rappeur, ouais, des quartiers riches. Des quartiers riches, ton équipe, je la prends, je la carchérise. Je la carchérise, t'as un meuf, je lui dis, écarte ma chérie. Et elle écarte ma chérie, je vais lui montrer le sang chaud d'Algérie, ouais. Le sang d'Algérie, dans ma zone, on est tous vénères. On veut faire des vues comme Maria Poudlard. Dans le game pour niquer des mères. Tu leur en tox, ouais, on n'en doute pas. Ça se font une instru et je suis dangereux. La concu dit que je suis dangereux. Moi tu rap, je m'en bats les couilles. Vu que dans leurs yeux, y'a trop d'enjeux. Rien que tu parles, vas-y montre-nous c'est comment. J'arrive à peiner la concu est dans le coma. J'rappe mieux que toi, ouais, pff, pas étonnant. Vu que dans la vie, tu t'inspires sur des traumas. Tu fais la grosse légume, tu vas finir plein de sang. Ce que j'appelle moi, le retour de Thomas. Au lieu de voir ta mère, tu préfères les belles sangs. T'allumes le premier qui mate tes mains. Si t'as les nerfs, vas-y frappe dans le sol.